Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal de ce dimanche dont voici l'écran titré. L'administrateur communal de Mukaza déplore le manque de moyens financiers pour la construction des toilettes publiques et un projet déjà conçu. Un homme de la commune et province Kirundo a été tué fusillé le soir de ce samedi. La cause de ce meurtre serait les conflits fonciers selon les habitants de la localité. Voilà pour l'essentiel. Au micro, c'est Vestine Boutou à la cabine technique, c'est Alphonse Koubouiman. Page éducation débute. Ce journal, le gouvernement burundais, via le ministère de l'Éducation nationale, va organiser les assises nationales des états généraux de l'éducation à partir du 14 et de ce mois en cours. Dans une correspondance adressée aux représentants légaux de tous les syndicats du secteur de l'éducation, il est mentionné que c'est une occasion de trouver des pistes de solutions aux défis identifiés dans ce secteur, cela pour redynamiser le système éducatif. Et en page sécurité, un homme de 50 ans a été assassiné par balle la nuit de ce samedi quand il rentrait de la commune de Bugabira vers la colline Runyonza, en commune et province de Kirundo. Cet incident serait lié au conflit foncier selon les sources sur place et une personne est suspecte et dans la main de la police et pour des raisons d'enquête. Et l'administrateur communal Kirundo Viateur Habimana demande à la population d'éviter de se faire justice. Abraham Safari. La victime est connue sous le nom d'Ngendakumana Eliezer, âgé de 55 ans. Selon les informations issues des voisins du défunt, le forfaiteur avait tendu l'embuscade à la victime sur la colline Ruyonza, commune et province de Kirundo, qui venait de... Excusez-nous de cet élément sonore qui n'est pas à beau terme. Et en page de justice, ces 6 rabatteurs sont au cachot du commissariat communal de la police à Matana au cours de cette semaine. Ils sont accusés de continuer les activités des rabatteurs au parking Matana alors que son métier est déjà interdit. Colonel de police Manila Gaba Dieudonné, commissaire provincial de la police à Bururi, appelle ces rabatteurs à exercer d'autres activités génératrices de revenus. Les détails avec Zenon Zambiman. Ces 6 personnes ont été appréhendées au parking des véhicules qui assurent le transport en commun de Matana. C'était au cours de cette semaine, selon les sources policières. Ces hommes faisaient le rabattage à ce parking, une activité interdite par le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité. Tous sont pour le moment au cachot du commissaire communal de police de Matana. Colonel de police Imanagaba Dieudonné, commissaire provincial de la police à Bururi, indique qu'ils ont été arrêtés et conduits au cachot du commissaire communal de Matana dans le but de mettre en application la mesure interdisant le travail des associations des rabatteurs sur les parkings des véhicules qui assurent le transport en commun. C'est au moment où ces activités des rabatteurs ne s'observent plus au parking situé au marché de Bururi. Les anciens rabatteurs de ce parking avec qui nous sommes entretenus nous ont fait savoir qu'ils vivent aujourd'hui grâce aux autres activités qu'ils exerçaient avant d'être rabatteurs. De plus, l'absence des rabatteurs au parking ne cause aucun problème selon certains des conducteurs des véhicules qui assurent le transport en commun et certains de leurs clients rencontrés ce samedi au parking de Bururi. D'autres disent que les rabatteurs ne facilitent que la récupération des biens volés ou perdus au parking. Colonel Manegaba Dieudonné, commissaire professeur de la police à Bururi, appelle toute personne qui cherche toujours à exercer ses activités de rabatteur à respecter les mesures prises par le gouvernement et à chercher d'autres activités d'autodéveloppement. Dopi Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Et en page économie, l'octroi des avantages fiscaux et douaniers à la catégorie des entrepreneurs tels que les femmes et jeunes sont des innovations apportées par la politique de substitution des importations. Propos de Didas Ngendakumana, directeur général de l'Agence de développement du Burundi, ADB, lors d'un atelier de réflexion sur la mise sur pied de cette politique ce jeudi. Il ajoute que l'ADB a délivré le certificat des avantages à la société sucrière Domosso qui la permet d'étendre ses exploitations. On l'écoute. Il y a le nouveau code des investissements qui garantit plus d'avantages douaniers et fiscaux que j'ai déjà dit. C'est un code promulgué en juin 2021. Il y a aussi d'autres avantages offerts, notamment aux femmes entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, mais aussi aux membres de la diaspora qui désirent investir au Burundi. sont des innovations. C'est la première fois que le Burundi dispose d'un cadre légal qui octroie des avantages particuliers à ces catégories d'entrepreneurs. S'il y a des problèmes, les problèmes sont des opportunités pour les investisseurs. Pourquoi je lance un appel vibrant à tous les investisseurs, tous les entrepreneurs locaux et étrangers de venir profiter ces avantages offerts par le gouvernement du Burundi. Je les invite donc à venir profiter de ces avantages, de ces appuis pour qu'ils puissent produire et augmenter ces productions de ces produits-là que vous êtes en train de citer, que le peuple burundais a tant besoin, mais qui prend d'abord beaucoup d'argent en devise pour pouvoir les importer, qui prend aussi beaucoup de temps, parce que le transport de ces produits prend beaucoup de temps. Et nous savons que le cycle produit et le karma reste insuffisant. Et l'ADB est en train de travailler avec la Susumo, qui a déjà manifesté un intérêt à bénéficier du certificat des avantages fait par le code des investissements. Et ce certificat a été délivré à la société Susumo. Et nous pensons que cette société-là va pouvoir importer la matière première, mais aussi les machines qui vont la permettre d'étendre ses exploitations à la canne, mais aussi à pouvoir produire une quantité qui va progressivement combler ce déficit à ce produit qui est aussi sollicité par le peuple burundais. Retournons un peu en arrière, en page sécurité, où un homme de 50 ans a été assassiné, fusillé la nuit de ce samedi quand il rentrait de la commune Bugabira vers la colline Runyonza, en commune et province de Kirundo. Cet incident serait lié au conflit foncier selon les sources sur place et une personne est suspectée dans la main de la police pour des raisons d'enquête. L'administrateur communal de Kirundo, Viateur Habimana, demande à la population d'éviter de se faire justice. C'est les détails avec Abraham Safari. La victime est connue sous le nom d'Ongendakumana Eliezer, âgé de 55 ans. Selon les informations issues des voisins du défunt, le forfaiteur avait tendu l'embuscade à la victime sur la colline Ruyonza, commune et province de Kirundo, qui venait de la commune de Bugabira avec ses trois enfants, dont deux filles, dans les activités champêtres. L'assassin s'était caché sous l'arbre, selon les mêmes sources, et a ouvert le feu en désordre sur cette famille. Trois balles ont touché le père de ses enfants, une dans la poitrine, l'autre au niveau des reins et la troisième sur la cuisse et le fusil utilisé est de type Kalachnikov. Les mêmes sources croient au conflit foncier comme étant l'origine de cet assassinat car la victime avait un procès dans la justice en rapport avec le foncier. L'administrateur de la commune de Kirundo, Haïman Aviateur, précise qu'une personne est déjà appréhendée pour des raisons d'enquête. Cette autorité demande à la population de la colline de Ruyonza de rester calme et surtout de pointer du doigt à toute personne ayant ou suspecte d'être en détention d'une arme à feu. Cette autorité demande également à la population de sa circonscription d'éviter de se rendre justice, mais plutôt de la saisir pour ne pas causer des dégâts. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Continuons ce journal et par la page société, l'administration communale de Mukaz envisage de construire des toilettes publiques et pourtant les moyens financiers restent un défi, déplore Renovas Ndayebura, administrateur de cette commune. Et malgré ce défi, il déconseille les gens à se soulager n'importe où sous prétexte du manque de sanitaire public. Suivez-le. Il y a une très mauvaise habitude qui s'est installée parmi les stades qui consiste à jeter des déchets ou même se soulager sur la voie publique, ce qui ne devrait pas se faire. Mais certains avancent l'idée comme quoi il n'y a pas eu encore une installation des toilettes publiques sur la voie publique. Moi, je leur demanderais de patienter parce que ce projet est déjà élaboré. On veut qu'il y ait l'installation des toilettes publiques. Seulement, ce sont les moyens financiers qui nous manquent. Mais entre-temps, avant que ces toilettes soient installées, il ne faut pas qu'ils continuent à prétexter le nombre d'exercices de ces toilettes pour continuer à se soulager sur la voie publique parce que toutes les habitations qui se trouvent dans notre commune, ont des toilettes à l'intérieur. Celui qui a un problème en cours de route peut demander un espace pour se soulager dans ses habitations. Et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut refuser quelqu'un qui veut se soulager de lui accorder l'accès. Les solutions que nous envisageons pour le moment en attendant la construction de ces toilettes publiques, c'est que ceux qui disposent que des habitations, des bars et restaurants puissent avoir cette mobilité de laisser l'accès à quelqu'un qui vient demander de se soulager chez eux en attendant qu'il y ait l'installation de ces toilettes publiques sur la voie publique. Et en page agriculture, les habitants de la province de Bubanza se plaignent du manque des centres semenciers dans cette province et pensent que c'est l'une des causes de faibles récoltes. À la direction provinciale de l'environnement, agriculture et élevage, on explique que la demande a été transférée auprès du ministère et appelle les cultivateurs à collaborer avec les multiplicateurs de semences privées en attendant. Les détails de Spescaitas Kavanyan. Les cultivateurs contactés se lamentent et déplorent le fait qu'ils s'arrangent pour trouver des semences au moment du semis, soit au marché, soit chez les voisins ou ailleurs. Ils disent que le fait de ne pas avoir de semences sélectionnées et améliorées est l'un des facteurs de diminution des récoltes et ils demandent aux autorités de mettre dans cette province des centres semenciers, comme le dit ce cultivateur. Dans la province de Bubanza, il n'y a pas de centre semencier. Les haricots qu'on cultive ici, ils ne donnent pas de production. On demande pour le gouvernement de nous donner le centre semencier pour que nous puissions avoir des semences sélectionnées et en vue d'augmenter la production des différentes cultures, soit le haricot ou le maïs. Emmanuel Ndikubaganwa, directeur à la DPAE Mwanza, explique qu'en attendant qu'un centre semencier soit mis en place, les cultivateurs doivent travailler avec les multiplicateurs de semences privées. Je voudrais d'abord vous signaler que dans la province, nous avons des multiplicateurs de semences privées qui nous aident à donner des semences partout et là. Mais à côté de ça, nous aussi, en tant que structure technique, bien sûr, c'est vrai, nous n'avons pas un centre semencier, mais nous avons commencé à prêter au sein, bien sûr, du ministère pour que nous puissions avoir ce centre semencier. Je tranquillise les agriculteurs. Le jour où on aura ce centre semencier, on refera en bonne et due forme parce que nous avons les techniciens très performants et encore qui connaissent bien toutes les technicités qui possèdent tout le paquet technique pour faire mieux l'activité. Les multiplicateurs de semences privées sont au nombre de 2 par commune selon les données disponibles à la DPAE Bubanza. Spes Caritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kavanyana pour clore ce journal et parlons du sport. Près de 80 athlètes s'affrontent ce dimanche dans le championnat national d'athlétisme. Appelé Meeting National d'Athlétisme, Silver Sengiyumba, directeur technique au sein de la Fédération burundaise d'athlétisme, annonce que les premiers athlètes vont être primés. Suivez-les au micro de Jean-Marie Vianing Ndakoumane. C'est un meeting national où on invite par nom et par chrono. C'est-à-dire que les meilleurs doivent se rencontrer ici, ce qu'ils sont en train de faire et faire la compétition pour déterminer réellement les meilleurs des meilleurs, ce qu'ils font surtout l'entraînement régulier ici au Burundi. Vous comprenez que dans une année du championnat mondial d'athlétisme, nous devons quand même voir le niveau de nos athlètes, ceux qui sont qualifiés et ceux qui ne le sont pas, mais quand même qui sont prétendants. C'est-à-dire qu'on peut préparer soit pour les autres championnats du monde, soit pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc vous comprenez qu'ici en Afrique, il y a des compétitions au niveau continental, au niveau mondial, il y a des compétitions. Alors il faut chaque fois avoir une équipe qui est capable de répondre aux exigences internationales. Et combien d'athlètes qui se sont représentés pour cette compétition? C'est aux environs de 80 athlètes. Filles et garçons confondus. Les 3 premiers seront toujours primés, c'est comme on le fait toujours, et ils seront primés. Là, on va déterminer l'équipe nationale, c'est-à-dire qu'il faut avoir une équipe qui ira, qui est prétendant à toute sollicitation au niveau mondial, chaque fois qu'on nous demande des minima réalisés. C'est-à-dire qu'avec la saison, il faut savoir où on est pour préparer l'avenir. Vous savez, c'est la première fois qu'au Burundi, on a cette qualification au niveau des championnats mondiaux. C'est la première fois. Alors, nous avons envoyé une seule athlète, Rivani Nimbona, qui a bien travaillé hier. Elle a essayé. Elle a la 8e place. Donc, c'est-à-dire que c'est un athlète qui venait de passer plus d'une année sans compétition. Et c'était la première fois qu'il fasse une compétition sur les pistes depuis qu'elle est partie en Italie depuis 2018. Et puis, nous attendons le championnat du monde d'Oregon où nous avons 7 qualifiés. Ça, alors, il faut qu'il y ait l'intervention de tous les partenaires directs et indirects de la fédération pour qu'on puisse les envoyer tous. Et voilà, c'est par ce que nous mettons en point final de cette édition de la mi-journée dominicale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Koubrimana pour sa parfaite collaboration. Vestine Outo, j'étais à la présentation. Au revoir et excusez-nous des imperfections qui se sont observées.